à l'âge où je ne les ai plus. Déjà, ils m'ont quitté ces derniers temps. La fleur de mon âge a flétri et il part des lambeaux de mon âme. Petite sœur dans le cœur d'une femme qui enfin remplace mes petits amis. Qui enfin remplace mes petits amis. Et je pleure si peu sur le temps qu'à la fin je réalise que ma vie s'écoule enfouie dans mes nuits où j'ai vécu beaucoup de mes 20 ans. Mais le rêve ne s'évapore pas, il reste visible quand je souffre. Que sera-t-il quand je vois que c'est quelques espoirs dans mes premiers pas, les quelques espoirs dans mes premiers pas. Un an et quelques depuis le glas, et ma substance est toujours vive. Les cymbales m'affectent et m'enivrent. Je ne de piège dans les années. À 40 ans, je serai libre de défaire ces liens et de vivre sans m'empêtrer dans les fleurs fanées. Sans m'empêtrer dans les fleurs fanées. La balade de mes 20 ans, je l'ai écrite comme il se doit. Et elle ne pleure pas. Si elle pleure, c'est parce qu'elle voit que d'autres souffrent. Que d'autres souffrent. Il souffre autant du temps. Tant du temps qui les blesse. Thank you.